chapeau, il manque une petite plume. J'ai un nouveau chapeau, il manque une plume dessus. Quand je l'ai vu hier au soir danser avec un autre, quand je l'ai vu hier au soir, du coup j'y pensais plus. J'ai un nouveau paletot, il manque un petit bouton. J'ai un nouveau paletot, il manque un bouton dessus. Danser avec un autre, quand je l'ai vu hier au soir, du coup j'y pensais plus. J'ai des nouveaux sabots, il manque une petite fleur. J'ai des nouveaux sabots, il manque une fleur dessus. Quand je l'ai vu hier au soir danser avec un autre, quand je l'ai vu hier au soir, du coup j'y pensais plus. J'ai un nouveau flutio, et il manque une petite note. J'ai un nouveau flutio, et il manque une note dessus. Quand je l'ai vu hier au soir danser avec un autre, quand je l'ai vu hier au soir, du coup j'y pensais plus. J'ai un nouveau vélo, il manque une petite vis. J'ai un nouveau vélo, il manque une vis dessus. Danser avec un autre, quand je l'ai vu hier au soir, du coup j'y pensais plus.